éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel fait justice, il défend tous les opprimés, il a révélé ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Miséricordieux et compatissant est l'Éternel, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère pour toujours. Comme un comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Quand le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu même où elle était ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel subsiste à jamais sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Mon âme bénit l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres.